croyais quoi, toi? Que je laisserais passer ma chance de crier sur tous les toits, que je n'ai pas effacé l'enfance, je sais pas. Tu croyais peut-être qu'il y avait un fossé qui nous séparait. Moi je dirais juste qu'on ne fait pas de notre vocère pareil d'une serpillière. Ils sont capables de te faire une bombe, bien beaucoup trop de tombe pour bien trop peu de corbillard. D'une simple affaire de territoire, on finit plombé. Une bombe avant avait le corps naturel, maintenant le corps bizarre. Tu croyais qu'on travaillerait pour un loyer, c'est tout. Tu pensais pas qu'on râlerait à mal anticiper. C'est fou ce qu'on a braillé pour rien et gagné si peu. De fois qu'on a fini par ne plus vouloir participer. Tu pensais qu'on se tairait? Tu veux représenter la France, mais y'en a certains sur qui il fait conspirer. Tu crois qu'on abandonne? Hein? Dis-moi, mais t'entends pas un peu partout, tu vas nos voix qui résonnent. Qu'est-ce tu croyais? Tu croyais quoi à toi? Qu'est-ce tu croyais? Tu croyais quoi à toi? Qu'est-ce tu croyais? Tu croyais quoi à toi? Qu'est-ce tu croyais? Tu croyais quoi? Tu croyais qu'on ne dirait mot et qu'on serait consentant, mais tu t'es trompé, qu'on s'entende bien. Là c'est juste une petite démo. Tu croyais nous démonter, ça nous rend plus costaud. Tu causes trop, déployer ton venin, ça tu sais faire, hein. Tu croyais nous enfermer dans des cases, on est claustro et squatter la casa, c'est mort, on est des meufs de terrain. Tu croyais que ça le ferait, avoue, t'étais serein. Pendant que petite fille seule pleurait, t'exploitais bien son père, hein. Les mêmes sales vieux rêves, faut bien réaliser l'un d'eux. Les contredire chaque matin, c'est pour ça que je me lève. Arrête de croire que t'es le maître de quiconque, on n'est pas King Kong. Mais je t'assure que ça peut faire mal une claque d'élèves. Qui suis-je? Où vais-je? D'où viens-je? De l'homme au singe perso, la ressemblance j'ai pas trouvé. Qu'est-ce tu croyais? Qu'on te laisserait noyer dans nos vertons d'oliprane, labourer nos méninges et broyer nos crânes. Qu'est-ce tu croyais? Tu croyais quoi toi? Qu'est-ce tu croyais? Tu croyais quoi toi? Qu'est-ce tu croyais? Tu croyais quoi toi? Qu'est-ce tu croyais? Tu croyais qu'on dépasserait pas nos limites? Qu'on se renouvellerait pas ou quoi? Qu'on connaissait pas les gimmicks? Tu crois que t'as de la personnalité? Mais tu nous imites. Elle était juste timide. Tu pensais qu'elle t'évitait? Le feeling. Toi, tu pensais que c'était secondaire. T'as misé sur le physique. Mais les vices les plus dangereux sont pas ceux qu'on repère. Ouais, c'est pénible de voir que les vrais bonhommes se font rares et de croire à ce qu'ils disent quand leurs paroles se font d'air. Yes, tu croyais que toutes les femmes ne savaient pas rapper? Elles ont déjà prouvé le contraire. On est là juste pour le rappeler. Yes, tu croyais que tu pouvais nous mettre tous dans le même sac? Nous formaté comme des max, ce n'est pas comme ça qu'on voit nos foyers. Que l'on serait paralysé par la peur, hypnotisé par le discours des plus médiatisés. Que l'on aurait misé nos valeurs. Tu croyais quoi? Que l'on aurait voté pour les violences banalisées. Tu croyais? Tu croyais quoi toi? Qu'est-ce tu croyais? Tu croyais quoi toi? Qu'est-ce tu croyais? Tu croyais quoi toi? Qu'est-ce tu croyais? Tu croyais quoi? Qu'est-ce tu croyais? Qu'est-ce tu croyais que c'était la fin du trac alors que ma langue se délie à peine? Fanny, Polly, Inès, et que la démocratie devient une matraque vu les couplets t'as sur le pays à scène. Tout pend le fond de la classe, les inepties, des longs débats, les flashballs hasardeux qui font dégâts. Tu croyais quoi? Qu'on allait tendre la patte comme des bons clébards? Que pour diriger un pays faut juste un oncle énarque, quelques diplômes, être sincère quand on m'en met dans une bonne démarche. Tu croyais qu'on n'avait pas vu? Vous privatisiez les profits et puis socialiser les pertes, médiatiser des conflits où vous stigmatisez les faibles. Politique est vérolée, fait croire que l'autre suce le système, dépense des smic au déjeuner. Tu croyais quoi? Que l'amour rend aveugle juste en fermant les yeux, et qu'on peut se mentir à soi-même tout en regardant vers Dieu. Que la pente est raide, que pour celui qui la descend, qu'on peut voir le reflet de ses rêves dans un bain de sang. Crois pas que ça m'amuse, y'a comme un mur entre nous. Les seules fois où je fais de la gonflette, c'est parce que je vois la mémoire comme un muscle. En dessous, on étouffe, je crois qu'il serait temps de s'en rendre compte. Ce que tu crois, en fait, je m'en fous, je crois qu'il est temps de faire les comptes. Fanny Poli Ness Toupan. Qu'est-ce que tu croyais?